Vendredi 28 février 2014, vous écoutez La vie en BD. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler du 9e art. Et évidemment, toujours un plaisir de vous retrouver pour pouvoir échanger justement autour de ce riche sujet. Et sujet sur lequel on échangera dans différents axes et autour de différentes parutions. Alors notamment, on aura l'occasion de jaser avec Jacques Lamontagne, auteur de Québec, qui nous a offert au fil des récents mois plusieurs séries. Bon, les druides notamment, mais avec lui, on va s'intéresser à sa parution la plus récente, donc le tome 3 de la série Aspic, détective de l'étrange. Alors, on va aller lorgner vers le côté du policier, du fantastique et de l'humoristique également. Aussi de passage, on va échanger avec Vincent Giard qui... il y a quelques mois, on est un peu en mode rattrapage également, donc nous offert les pièces détachées à La Mauvaise Tête, donc réédition d'une série qu'il avait publiée en partie avec David Turgeon chez Colosse, en fait les trois premiers volumes, et là on se retrouve avec l'intégrale de cette chronique intimiste sur une famille un peu éclatée qui se cherche, qui se trouve individuellement. Et avec, ben, évidemment, aussi la conclusion, donc un quatrième volet qui, lui, n'avait pas été jusqu'à maintenant publié. Également, des chroniques, des commentaires BD, il y aura entre autres Stéphane Gravel qui sera de passage avec nous aujourd'hui. Alors voilà pour le menu de l'émission de ce vendredi. Et sinon, ben, dans l'actualité, ben, plusieurs éléments qui méritent d'être certes soulignés. Notamment, ben, on le fait pour à peu près toutes les récompenses qui sont offertes, et bien notamment après avoir remporté le prix de la BD pour la FNAC 2014 en France avec Bruno pour Tyler Cross, et bien Fabien Nury a récidivé en Belgique, a obtenu le prix de la BD FNAC Belgique 2014 avec les deux premiers tomes de sa nouvelle série Silas Corée, paru chez Glénat. C'est une série scénarisée par Nury, dessinée par Pierre Allary, qui met en scène au début du 20e siècle un ancien reporter agent du deuxième bureau qui est engagé par Clémenceau pour retrouver un journaliste disparu. Autre nouvelle collection qui sera ajoutée chez Glénat, donc après la collection Vécu. Glénat s'apprête à lancer une toute nouvelle collection de bandes dessinées historiques. Ça va s'appeler Ils ont fait l'histoire. Leur objectif, c'est de raconter en BD la vie de figures majeures en les associant sur chaque album avec un auteur de chez Glénat. On compare notamment d'Éric Adam, Étienne Anheim, Stéphane Bourdin, Didier Convard, Mathieu Gabella, Christophe Regnault, Valérie Thaisse, Fred Vigneault. Et donc, ces gens-là seront associés à des historiens de chez Fayard. Alors donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une qualité d'information historique là, très, très complète, très, très intégrale, et de l'offrir donc via ces albums BD. Ça sera intéressant de voir comment ça va être adapté. L'idée est aussi de compléter l'album par un dossier pédagogique. Et on parle quand même là, de 30 albums dans ce projet-là qui engloberont toutes les périodes historiques. Pour l'instant, on parle de deux premiers tomes qui seront lancés le 5 mars prochain, Vercingétorix et Philippe Lebel. Autre nouvelle collection, en fait, c'est chez Hachette qui va lancer, Hachette France, évidemment, qui ont lancé hier, disons ça, donc une nouvelle collection qui sera prête tous les 15 jours, donc Marvel Comics, une sélection des meilleurs comics des 50 dernières années, mais du côté de Marvel, avec une édition en couverture rigide, enrichie avec interviews et autres. Alors, ce sera intéressant de voir, évidemment, si ça sera repris aussi et édité du côté du Québec. Alors voilà pour ces petits clins d'œil à l'actualité BD. En musique pour cette semaine, eh bien, la formation qui nous accompagnera au fil de l'émission s'appelle Little Scale, avec leur album A Part of Me is a Part of You. Et on écoute un premier extrait qui s'appelle Hearts, ici sur les ondes du 89.1. Thank you. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous suivre, c'est possible de le faire via Facebook, La Vie en BD, sur ce site de socialisation, facebook.com/La Vie en BD. Et comme je le disais en début d'émission, on est toujours un peu en mode rattrapage. On essaie de faire une belle tournée des titres qui ont été publiés par des auteurs d'ici, hein, chez différents éditeurs. Et notamment, il y avait un titre qu'on ne voulait pas échapper, c'est Les pièces détachées. Donc, c'est paru à La Mauvaise Tête il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Et on en discute ce soir avec l'un de ses auteurs, Vincent Giard. Bonjour. Salut. Alors, en fait, je rappelle, Les pièces détachées, c'est un livre que tu as fait avec David Turgeon, édité d'abord chez Colosse en partie, édité maintenant à La Mauvaise Tête. C'est une version intégrale, donc des chapitres qui ont été publiés avec la conclusion également. Voilà, c'est ça. On avait prépublié une partie. S'il y en a qui attendent toujours la conclusion en fascicule, ben moi aussi, j'attends que David me finisse la couverture. En même temps, s'il y en a qui attendent vraiment pour lire tout, ils vont être déçus parce qu'il y a plein de trucs qu'on a redessinés dans les premières pages. Ouais. Oui, parce que justement, quand on revient sur un ouvrage bon qui date à peu près de 2010-2011, si je me trompe pas. Voilà, on a passé 4 ans là-dessus. Oui. Donc, il y a un bon travail aussi pour reprendre, redessiner. On se donne la permission de retravailler tout ça. Ben, c'est l'idée de faire de la prépublication, c'est de tester la route, puis quand il y a des choses qui marchent pas, de rajuster le tir, oui. Et peut-être si on présente un peu ce récit. Dans le quatrième de couverture, j'aimais la formule, en fait. Vous disiez que c'est une fable faussement légère, presque cruelle. Et j'avais envie de t'entendre développer un peu autour de ça. Ben, on s'entend que c'est un récit familial. C'est l'histoire de Laura, une jeune cégepienne de la banlieue qui étudie, ou du moins qui est supposée étudier, en ville à Montréal. Qui par hasard retombe sur son père qui était disparu de sa vie depuis longtemps, puis qui essaie de renouer, puis on se rend compte que ceux qui sont adultes sont pas nécessairement les plus vieux. Effectivement, c'est dans une relation, en fait, c'est des personnages assez typés et d'une certaine façon, mais très riches aussi, que vous offrez au fil des pages. Ben, j'espère. Oui, effectivement. Sinon, ça tiendrait pas la route, parce que c'est un récit autour duquel vous avez vraiment centré l'humain. Donc, nécessairement, il fallait bâtir ces personnages-là qui se tiennent, qui soient riches, etc. Oui, ben, c'est des personnages, je pense, qui sont assez ressentis. J'espère qu'il y en a qui vont se reconnaître. Oui. Et qu'est-ce qui vous a lancé sur la piste d'un récit de ce type-là, justement, d'aller explorer une famille qui est éclatée, qui se connaît pas vraiment, qui se découvre sans le savoir en partie? Ouais. L'idée de départ vient de David, qui était sur le point de devenir papa et qui s'est mis à écouter du rock de papa, tu sais, du Steely Dan et Cocteau Twins, des affaires que moi qui me sortaient des oreilles. Et il s'est mis à s'imaginer, bon, quel genre de personnage qui écouterait ça, puis qui serait complètement dénudé d'empathie, mais en même temps super sympathique. Fait qu'il construit ça autour de l'idée du père perdu et retrouvé, puis la fille essaie de le rejoindre, puis ça s'est construit à partir de là, oui. Oui, après ça, l'idée, dans le fond, d'intégrer justement un frère, d'intégrer la mère, donc d'explorer vraiment les rapports que ces gens-là ont pas, mais qui pourraient avoir d'une certaine façon aussi, parce que c'est un peu le nœud du récit. On découvre que c'est des gens qui pourraient être très bien connectés, mais qui pourraient être très mal connectés aussi, un peu des paradoxes, des contraires. Oui, ben, y a beaucoup de connexions qui sont presque manquées ou presque réussies. Je pense que dans la construction du truc, il y a beaucoup de choses qui viennent du cinéma de Ozu, un cinéaste japonais que je ne peux que trop vous recommander, où est-ce qu'il construisait vraiment des histoires en petits morceaux, où est-ce que, comment dire, au lieu de tout expliquer l'histoire, puis après ça, tu suis des personnages et tu prends autant de temps à découvrir les personnages que concrètement, c'est quoi leur relation entre l'un et l'autre, puis c'est quoi l'histoire. Oui, ben en fait, d'une certaine façon même, j'aurais envie de dire, à la limite, on pourrait dire que c'est l'histoire, c'est les personnages, tout simplement. Oui. Ça fait du bien de pas savoir que les personnages, c'est la ville. La ville est aussi présente, cela dit, Vincent, si tu m'ouvres la porte pour s'y lancer, en fait, parce que dans la mesure où le récit, les pièces détachées, c'est vraiment une mise en scène aussi de Montréal, j'ai l'impression plus d'un côté ambiance, ambiance nocturne, des lieux pas nécessairement toujours fréquentés, pas les incontournables, la ville ou ceux qu'on retrouve un peu partout. Oui, ben c'est quelque chose qui pour moi, parce que en gros je suis rentré sur le projet... pour aider David au décor, évidemment. La collaboration a changé au fil du temps. Mais pour moi, c'est très important d'avoir un Montréal qui n'était pas, comment dire, tu sais, il y a beaucoup d'auteurs qui dépeignent avec brio Montréal, je pense à, je sais pas, Pascal Girard ou Michel Hellman, Jimmy Beaulieu quand il sort de la chambre à coucher. mais j'essaie de, pour moi, c'est très important de ne pas faire comme, par exemple, ce que Michel Rabagliati fait dans les pôles, alors que j'adore la question n'est pas là, mais de ne pas faire de pas camper un décor qui fonctionne sur la nostalgie, mais plutôt sur la familiarité, d'avoir, tu sais, de jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sans jamais aucune photo de référence. C'est toujours, je dessinais toujours de mémoire, puis au pire, j'allais sur place voir, ça ressemble pas à ça, quoi que ce soit. Pour que ce soit pas, que t'aies pas l'impression d'être en train de jouer à Charlie, ou est-ce qu'il faut que tu trouves, en plus, du magicien puis du parchemin, ça c'est tel coin de rue, puis ça c'est tel building. C'est pas l'important. L'important, c'est que tu comptes. Ah oui, c'est à Montréal, puis je me rappelle la fois que j'ai manqué le métro, puis il a fallu que je marche la vélo complet dans la neige. Oui, puis en même temps, ça, j'ai l'impression que ça renforce un peu le pouvoir d'évocation des lieux, au-delà justement du plaisir peut-être de reconnaître le lieu. Donc, que ça vienne vraiment un peu, justement, servir la situation, puis permettre au lecteur de se mettre dans les pieds du personnage. Oui, ça reste un Montréal de synthèse. C'est pas un tel coin de rue ou tel magasin de disques. C'est un magasin de disques fictif qui te rappelle très précisément si tu vois, rappelles le truc ou les stations de métro, des choses comme ça, que non, c'est pas vraiment une station de métro que j'ai été calqué, mais si tu prends le métro, tu vas te reconnaître quand même, oui. Et si au départ, Vincent Giard, tu venais sur le projet pour l'aide au décor, c'est qu'il y avait déjà quand même une volonté aussi assez claire à ce niveau-là, dès le départ, du moins dans le développement des pièces détachées. La collaboration, on s'entend que sur 4 ans, la géométrie de cette collaboration-là a quand même pas mal évolué. Mais au départ, ce projet-là a vraiment été écrit puis dessiné à 4 mains. C'est pas David faisait le scénario puis je faisais le dessin. C'est vraiment beaucoup de ping-pong, beaucoup de bière. Où est-ce qu'on se renvoyait la balle sur l'histoire, sur le texte, puis sur le dessin à coup de beaucoup puis beaucoup de tables lumineuses, de dessiner puis redessiner jusqu'à éteindre le dessin. Au départ, j'étais juste là pour donner un coup de main à enjoliver et faire fonctionner la perspective dans les décors, disons. Mais pour finalement vers le dernier quart, sur à peu près tout dessiné. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Ça reste un découpage de David qui découpait dans son petit carnet. Et c'est surtout un ancrage de David. Ça veut dire que le dernier dessin, le dessin final, c'est David qui l'ancre au plomb, mais que... Oui, mais en fait, ça donne un résultat intéressant pour ceux qui connaissent le travail de David Surgeon, pour ceux qui connaissent le travail de Vincent Giard. Dans les pièces détachées, on reconnaît pas exactement l'un ni exactement l'autre. C'est vraiment une fusion. Oui, c'est pas un, comment dire. On s'attendrait à ce que ce soit un point médian entre nos deux styles un peu fous. Mais en fait, ça donne presque un troisième auteur. En tout cas, ça donne quelque chose de beaucoup plus sage. Où est-ce que le trait est plus posé, le jeu est plus feutré aussi. Il y a vraiment quelque chose de plus subtil dans la manière dont les personnages jouent. Ça, c'était un truc au début où est-ce qu'il a vraiment fallu que je m'ajuste, parce que moi, je faisais toujours des grands mouvements, puis des extrêmes, puis tout, alors que David allait, non, baisse la pédale, baisse le dimmer, faut que ce soit plus subtil, parce que la manière qu'on construit l'histoire, avec beaucoup d'espèces de plans fixes, où est-ce que quand quelqu'un fait juste un tout petit haussement d'épaule, on le voit tout de suite parce que c'est la seule chose qui a bougé entre les cases. Ça va dans la subtilité. Oui, l'autre truc aussi, c'est même dans la construction des personnages. Je pense, par exemple, ils n'ont pas de sourcils. Ça fait que ils ne surjouent pas du tout. Je pense qu'on a piqué ça à Nilsson dans Jérôme d'Alphagraphe, où ça donne une espèce d'impression d'un film d'animation tchèque en marionnette en stop motion, où est-ce que ils ont toujours le même visage. Mais il joue quand même parce que tu suis l'histoire, tu comprends qu'est-ce qu'il ressent, parce que justement tu vas aller chercher plus dessus, tu te fais pas tout expliquer. Effectivement, puis au dessin, ça vous force justement aussi à aller chercher d'autres types de mécaniques, ou comme tu disais, être plus, j'ai envie de dire plus subtil, même si c'est pas exactement ça, mais... Oh oui, c'est une question de subtilité, tout à fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai recommencé parce que c'était trop dans ta face. Puis je suis comme, non, en fait, il faut le refaire, ça c'est pas assez subtil, oui. Et j'aime bien, en fait, ce que tu avances sur la notion de troisième auteur, parce que quand on lit les trucs que vous faites individuellement, c'est souvent, ça s'est éclaté, même au niveau de l'histoire aussi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un autre registre, que votre contact commun vous a amené à vers quelque chose de plus sage, de plus intimiste, de plus intime. On a fait un livre lisible, c'est fou. Et en même temps, j'imagine qu'il y a un plaisir aussi parce que, justement, avec les personnages, ces éléments-là, les, qui servent de moteur à ce récit-là, ben, ça force aussi à aller chercher ces ambiances. Tout vient un peu construire au profit, justement, du type de récit que vous aviez envie de raconter. Ben oui, tout à fait. Et à travers ça, en fait, dans le récit, justement, c'est un peu le personnage de Laura, donc la jeune fille qui sert, j'ai l'impression, un peu de pierre angulaire à tout ça, de centre pour le lecteur. Grosso modo, ouais. Ben, c'est on part et on suit l'histoire un peu à travers elle, puis à travers tous les personnages qui orbitent autour d'elle, sa mère, son père, puis après ça, le chum de son... son chum, un amant, des amis, ouais. Donc, ça part de là, c'est elle, le noyau central, la cheville centrale, oui, tout à fait. C'est peut-être elle aussi un petit peu qui bouge, plutôt que... Il y a beaucoup de personnages, comment dire, qui sont un peu à la dérive, puis se laissent traîner, tandis qu'elle va aller... Elle a envie de faire quelque chose, peut-être par naïveté, puis, ben, elle bouge les fesses. Et en même temps, justement, ça développe un peu, j'ai l'impression, cette l'histoire, en fait, son évolution amène un peu le moteur aussi de l'histoire générale de tout ça, qui est un peu aussi, j'ai l'impression, une tranche de vie. En fait, c'est un moment, et on garde beaucoup de non-dits, bon, sur ce qui peut s'en venir, mais sur ce qui est venu aussi avant. Donc, on retrouve les personnages dans une situation, puis c'est à nous aussi de les construire avec les éléments que vous nous donnez. Ben, c'est toujours le parti pris de prendre le lecteur pour un tweet, puis mais en même temps, de lui donner que tous les... Toutes les indices, toutes les pièces du puzzle sont là. C'est juste, ben, il faut le lire au complet pour avoir compris que, ah, il s'est passé ça, c'était ci, ça voulait dire ça. Voilà. De pas avoir le menu puis pas ça de manger, mais de se faire de grappiller, de glaner au fur et à mesure. Exactement. Et pour vous, j'imagine, ben, d'avoir quand même justement le menu assez précis pour être capable d'aller en tirer la partie qui est nécessaire au lecteur pour vraiment plonger dans cet univers-là puis y vivre avec vos personnages. Donc, nécessairement. Ah ben oui. Oui, tout à fait. Le plan de match était beaucoup plus fouillu que concrètement qu'est-ce qui reste à la fin sur la table. Oui. Et avec tout ça aussi en pièces détachées, donc comme je le disais, c'est un moment charnière dans cette famille éclatée-là. Est-ce que justement, ce que vous aimeriez qu'on en garde quand on ferme la page, c'est d'abord l'ambiance qui imprègne ce récit-là, il y a quelque chose que vous voulez essayer de mettre de l'avant particulièrement? Ben, c'est pas juste une bande dessinée ambiante que t'écoutes sans écouter. Mm-hmm. C'est vraiment, on s'entend que même si c'est peut-être pas raconté d'une manière super classique, mais en fait oui, ça reste une histoire. Ça, c'est une histoire de coming of age, de mm-hmm. quelqu'un qui grandit, puis quelqu'un qui veut pas grandir. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, je pense. Oui. Ben, en fait, l'universel qui devient, le personnel qui devient universel. Ben oui. On le dit, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est vrai. Oui, ben je pense. Enfin, moi, je suis passé par là. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi, là. Oui. Et évidemment, en fait, j'en profite d'ailleurs pour dire aux auditeurs qui nous écoutent de ne pas hésiter justement à mettre la main là-dessus. Ça vaut la peine d'être lu et je te passe le mot aussi de mon côté. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Et Vincent Giard, en terminant, est-ce qu'on pense développer plus avant ces personnages-là ou justement limiter le passage à ce livre-là uniquement? Ben, on a d'autres projets, mais pour le futur proche, David a assez de romans en banque et va... Parce que s'il me racontait notre dernière bière, plutôt aller du côté du jeu vidéo. Moi, de mon côté, cet automne, je vais sortir une bande dessinée à la mauvaise tête avec en collaboration avec Alexandre Fontaine-Rousseau. Mm-hmm. Puis, pendant que je suis en train de plugger la mauvaise tête, on sort au début d'avril Les cordons de la bourse de Clément Goljac, dont vous vous rappelez peut-être les affiches qu'il avait faites pendant la grève. Mm-hmm. Puis plus tard, le premier livre de Pascaline Lefebvre, qui va être un drôle de livre et surtout un livre très drôle. Alors, on n'en dit pas plus, mais on aura l'occasion, on prendra le temps, évidemment, d'en reparler en cours de route ici à l'émission. Et Vincent Giard, en te remerciant... Une dernière seconde pour demander s'il y a quelqu'un parmi vos auditeurs érudits qui sait s'il y a quelqu'un d'autre que nous autres qui a dessiné, à un moment donné, la POC à Berry. Même dans « On a volé la Coupe Stanley », il n'est pas là. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je serais vraiment content. Merci à vous. On lance la question, réponse sur le oui. Facebook, si vous l'avez sur le Facebook de La Vie en BD. Et Vincent, ben nous, on se dit à la prochaine. Ben oui, salut. Alors voilà, c'était Vincent Giard au bout du fil, donc qui nous parlait de ce livre qu'il a réalisé avec David Turgeon. Ça s'appelle Les pièces détachées. C'est disponible à La Mauvaise Tête. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Gravel au bout du fil. Bonjour. Salut, salut. Ça va bien? Très bien, toi? Mais toujours, toujours. Est-ce que... Oui. Stéphane, deux titres cette semaine. Premier, Le ver dans le fruit. J'adore Rabaté. Je trouve que ce gars-là a un dessin qui est extraordinaire. Et puis là, il raconte une histoire qui est une espèce de polar, mais un polar léger qui a beaucoup d'âme, qui se passe dans un village. C'est très français, très franchouillard. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien raconté. Écoute, j'ai embarqué dans cette BD-là avec plaisir, puis j'ai lu ça avec ça coule. Le fruit est loin d'être amer, même s'il y a un verre dedans, là. Comme d'habitude, c'est un auteur qui travaille surtout en noir et blanc, mais il maîtrise tellement bien le noir et blanc que on embarque là-dedans. Puis juste, on peut se dire, si on va dans la BD populaire, on aime beaucoup la couleur, je dis ça, puis je me dis à moi-même, tu parles du noir et blanc, puis il y a beaucoup de bonnes choses en noir et blanc, mais ça reste que c'est pas de la BD qui a quelque chose entre guillemets populaire. Hein, on va toujours essayer d'aller chercher des trucs un petit peu plus intellectuels ou de dire ce sont que les amateurs de BD qui vont être attirés par la BD en noir et blanc. Mm-hmm. Mais je trouve que Rabaté, lui, il traite le noir et blanc un peu comme les expressionnistes allemands pouvaient traiter la lumière au cinéma. C'est quelqu'un qui joue avec les contrastes, qui joue avec la force des noirs, la force des blancs. Et c'est extrêmement bien fait. Mais à la limite, en fait, j'ai envie de dire, ce genre d'album-là, on les imagine pas en couleur. Enfin, on ne voit pas le potentiel ou l'intérêt de mettre de la couleur dans ce type de... Quand c'est bien réussi comme ça, là, c'est... Comme tu dis, on les imagine pas et je ne vois même pas comment... je suis dans ma tête, là, mais je ne vois même pas comment ça pourrait être en couleur tellement que le dessin est bien maîtrisé par Rabaté. Et puis, on est habitué aussi de voir... chez lui des histoires un petit peu parfois un petit peu lourdes ou un petit peu fleuves, mais on a l'impression qu'on est un petit peu dans un polar un peu à la Claude Chabrol avec des situations de village qui peuvent glisser dans le cocasse entre guillemets. Écoute, c'est extrêmement bien. J'ai beaucoup aimé cette BD-là, surtout dans les dernières sorties, là, j'ai trouvé que il y a eu beaucoup dans le temps des fêtes et tout ça, puis je fais une parenthèse, mais je trouve que là, on est vraiment dans la BD dans la BD, pas de reprise, mais dans la BD de série, hein, il y a eu un nouveau 13. Oui. Enfin, on les lance pour le temps des fêtes, pour mousser, pour, c'est la grosse période de vente, c'est la période des, entre guillemets, valeurs sûres, à certains égards. C'est des grands classiques immortels, oui. Tu vois, j'ai lu le dernier Blake et Mortimer, j'aurais peut-être pu en parler aussi dans chronique. Oui, mais je ne sais pas pour toi, mais en fait, je fais une parenthèse à ta parenthèse, mais le Serment des Lords, je trouvais qu'il sentait vieux, en fait. Je veux dire, c'est une nouvelle BD, mais qui est vieille à la seconde où elle est publiée. Là. Écoute, on réussit pas à faire autre chose avec Blake et Mortimer. On ne réussit pas à le sortir de son époque. On réussit pas. Écoute, je suis en train de me demander si les aventures de Blake et Mortimer, ça tient au mystère de la Grande Pyramide et à l'imagerie forte de la marque jaune. Mmh. Et qu'après ça, on est dans ce que je pourrais appeler de façon un petit peu rigolote et crue le syndrome du striptease. C'est-à-dire qu'on attend toujours quelque chose qui n'arrive jamais. Mmh. C'est toujours du pareil au même. Même chose avec 13, là, les dernières 13 qui est paru, c'est quoi? C'est le numéro 24, 25. Mmh. C'est la même chose que le 17. 13 devait se terminer au 13e et ça aurait dû. Il y a 13 Misery à côté, c'est plus intéressant parce que ça nous ramène des personnages qui n'avaient pas été développés, mais ça reste la récupération d'un scénariste qui travaille extrêmement bien, c'est-à-dire que Van Hamme, quand il faisait la série 13, il développait ses personnages de façon tridimensionnelle, que ce soit un personnage secondaire ou un personnage principal. On reprend ses notes et on va revenir en arrière avec avec ces personnages-là. Torgal, je sais pas si tu as lu le dernier Torgal, une chance que Rosinski a un dessin qui est extraordinaire, mais encore une fois, ça reste une BD. En fait, ça se lit facilement. Ça se lit facilement. C'est vite lu, vite oublié. Mais le moment où tu le lis, la demi-heure, les 40 minutes que tu prends pour le lire, t'as du plaisir, un peu comme les nouveaux 13. Tandis que, mais après ça, justement, c'est pas des BD qui laissent une forte impression, au-delà justement de la qualité du dessin. Mais au moins, j'ai l'impression, en fait, si j'amène la conclusion de la parenthèse avant de te lancer vers un autre titre, au moins, j'ai l'impression que Torgal puis 13, on a un souci d'essayer de... disons d'offrir quelque chose qui est, ou peut-être que la série semblait peut-être un peu moins vieille d'emblée que Blake et Mortimer, qui n'est jamais vraiment réussi à sortir des années 60-70 non plus. Donc il y a quelque chose en fait de peut-être un peu plus actuel dans 13 ou dans Torgal, entre 13, guillemets là. Bon, je pense que 13 ou Torgal sont des séries entre guillemets, c'est-à-dire de grandes séries populaires avec un scénario, avec une base tellement forte et un univers tellement fort que on peut facilement étirer la sauce, un peu comme dans les grandes séries de télé américaines. On peut réussir à toujours jouer à l'entour et à faire quelque chose qui est, entre guillemets, buvable et agréable. Un petit moment de jeunesse, là, on se prend notre fauteuil et on lit une simple BD comme la BD pourrait être et devrait être aussi. Et tandis que quand on arrive dans Blake et Mortimer, ben, c'est qu'on a touché au chef-d'œuvre. Il y a une cinquantaine d'années. Donc, on attend encore le chef-d'œuvre. Et c'est qu'on reste avec le même style narratif que l'époque aussi. C'est-à-dire c'est très, très verbeux. Les espaces récitatifs ont répété le dessin. On essaie de ne pas trop bouleverser, de ne pas trop chambouler l'univers de Blake et Mortimer des années 50. Et là, on ne peut plus faire des films de Bogart aujourd'hui si on ne s'amuse pas à revoir le genre. Ce qu'elles font avec brio, honnêtement, Dupuis, avec les nouveaux Spirou, par exemple. Oui, mais en fait, il y aurait de quoi discuter longuement là-dessus, mais Stéphane, en fait, je ferme notre parenthèse, et si on prend peut-être une petite minute, une minute trente, pour faire un clin d'œil, sachant que tu nous recommandes fortement Un verre dans le fruit de Rabaté, qu'est-ce que tu aurais à nous dire brièvement sur Papa Terrible 3? Écoute, moi, j'adore la période, là. J'adore l'histoire, j'adore la période des Borgia. Le pape terrible, 3, c'est le pape Jules qui a succédé aux Borgia, qui était probablement pire que les Borgia, mais dont on a un peu moins parlé, je pense, dans l'histoire, parce qu'il a été moins récupéré par la littérature. C'est pas lui qui... qui a fait que Machiavel a écrit Le Prince non plus. Donc, c'est un personnage qui est un petit peu moins médiatisé. Jodorowsky raconte cette histoire-là. Il avait pris les Borgia avec Manara avant. Il racontait l'histoire des Borgia. Il a laissé tomber les Borgia pour s'en aller sur ce pape-là, Jules. Et puis, je trouve qu'il réussit très bien à raconter la... Écoute, c'est un personnage religieux qui est exécrable, et Jodorowsky est probablement le meilleur pour pouvoir raconter cette dualité-là entre le religieux et l'exécrable. Les deux premiers sont excellents, Raymond. Le troisième, je le sais pas. Mmh. J'ai voulu en parler parce que dans la série, ça tient. Mais je trouve que là, on commence à tomber dans le... dans une violence, dans une sexualité débridée, ouais. dans une relation... On y va plus vers le controversé, entre guillemets, pour mousser un peu, puis étirer, puis faire des planches de plus, dans le fond. Le pape Jules a eu une relation homosexuelle avec Michel-Ange. C'est lui qui l'a fait peindre le toit de la chapelle Sixtine. Donc, si, au niveau historique, il y a quelque chose de vraiment intéressant, là. Mm-hmm. C'est-à-dire, on va visiter aujourd'hui quelque chose qui a été fait par un pape terrible et probablement son amant. Ouais. Donc, ça, je trouve ça extrêmement intéressant, mais je trouve qu'il glisse un peu à côté de l'essentiel de tout ça pour pouvoir rendre ça un petit peu plus yéyé, peut-être, ou un petit peu plus révérencieux, je ne sais pas. Mais étant donné que le tome 1 et 2 étaient solides, celui-là, j'ai comme tendance à penser que ce n'est qu'une petite période un petit peu plus fragile, mais qui va revenir, parce qu'au niveau historique, c'est trop fort, cette histoire-là. C'est trop intéressant, là. Et Stéphane Gravel, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et à bientôt. Bye. Bye-bye. Voilà, c'était Stéphane Gravel et ses commentaires BD. Donc, je vous rappelle, un verre dans le fruit et le troisième tome de la série Les Papes terribles, qui était l'objet donc de son intervention d'aujourd'hui. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 17 mars 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, bleu contre orange. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. À Corrigan, une brasserie artisanale qui fait des publicités artisanales. Les houblons dorés d'une bière la Corrigane, un arôme et un goût céleste. Une expérience sensorielle et totalement émouvante. Corrigane, je t'aime. La Corrigane, 380 rue Dorchester, Québec. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, arts électroniques, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. MoiMulti.org. Je suis Shooter. Je suis Blacklight. Je suis Danse Lassive. Je suis 100 décibels. Je suis périmé dans 6 mois. Je dure 2 semaines. Je suis fini dans 3 mois. Je ne suis plus valide dans 1 mois. Je suis désuet dans 120 jours. Je suis brisé dans 3 jours. Je suis dans le monde de la pub. La nature a horreur du vide. Une création définissant du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 23 février au 2 mars. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100 % Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Raymond Poirier, toujours avec vous, toujours autour du 9e art, évidemment. Et je vous rappelle, d'ailleurs, si vous voulez écouter des précédentes émissions, retrouver certaines entrevues que vous avez envie d'explorer, bien, vous pouvez le faire via notre blog de balado-diffusion, donc lavieenbd.wordpress.com. Et si vous cherchez plutôt à mettre et à découvrir et entendre mes opinions autres que celles émises ici, bien, c'est possible de le faire via mon blog personnel, donc voir.ca, /Raymond-Poirier. Et je disais un peu en mode rattrapage, mais on se rapproche tranquillement de la fin de l'année dernière. Une série donc qu'on suit activement, qui en est à son troisième tome, ça s'appelle Aspic, détective de l'étrange. C'est scénarisé par Thierry Gloris et dessiné par Jacques Lamontagne. Et le dessinateur est avec nous au bout du fil. Jacques Lamontagne, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, on a eu l'occasion de se parler pour tes autres séries. Bon, il y a eu Aven, on a jasé aussi un peu des druides il y a quelques temps. C'est la première fois qu'on va s'intéresser peut-être un peu plus activement à Aspic. Alors, j'aurais peut-être envie d'emblée que tu nous présentes un peu l'univers de cette série-là, dans lequel j'ai l'impression qu'on est un peu dans le surnaturel, qu'on est dans le policier, qu'on est dans l'humoristique aussi. Oui, ben en fait, Aspic, à la base, lorsque Thierry m'en avait parlé, il m'a présenté le projet il y a déjà, quoi, ça doit faire 3 ans ou 4 ans environ. À la base, bon, c'était une série d'enquête policière, mais on retrouvait également justement du fantastique. Ça met en scène une Flora, ce qu'il faut dire, c'est qu'Aspic se déroule autour de 1890 à Paris ou en France, parce qu'on se promène un petit peu. Et puis, donc, Flora a étudié en polytechnique policière. Donc, elle veut devenir enquêtrice, ce qui est complètement hors norme à l'époque. Et elle a comme mentor, bon, du moins, elle est en stage, chez Dupin, le chevalier Dupin d'Edgar Allan Poe, qui est plus vieux à ce moment-là. Et puis, elle rencontre, pour sa toute première enquête, un client, un drôle de client, qui s'appelle Hugo. Et Hugo Bale, et qui va devenir par la suite, on va le découvrir à la fin du second album, qui va devenir en fait l'associé de Flora. Ils vont créer l'agence Aspic. Et à l'intérieur de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on joue un peu avec l'équilibre habituel. Vous l'avez dit, c'est au 19e siècle, tu l'as dit, en fait, c'est impensable d'avoir une inspectrice, mais aussi en termes de structure BD, c'est l'homme, le personnage masculin, Hugo, qui devient un peu le faire-valoir d'une certaine façon de Flora. Absolument. Ben, en fait, on pourrait dire que Flora est la straight man, et puis le Hugo est vraiment, bon, une espèce de faire-valoir, mais en même temps, on va en découvrir un petit peu plus sur le personnage, parce que Hugo a des particularités qui en font un homme d'exception, là. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler s'il y a des gens qui veulent s'intéresser à la série, mais donc, c'est deux personnages vraiment atypiques, là, de cette période. Et à l'intérieur de ça, côté ambiance, bon, on le disait, on est dans le policier un peu, dans l'humoristique aussi. En fait, il y a un peu de série B, il y a un peu de série Z, il y a un peu de roman historique. Donc, c'est un beau mélange de genres, j'ai l'impression. Oui, en fait, c'est du pulp. Je me plais à dire que c'est un mélange entre du Walt Disney puis du David Lynch au niveau des ambiances. On bascule, des fois, on peut partir d'une scène qui est très, presque morbide. Je pense, entre autres... lorsque il y a la scène de la salle d'autopsie avec la naine, et puis par la suite, bon, on a des poursuites en voiture, des trucs comme ça qui font très Walt Disney. On est presque dans les 101 Dalmatiens. Donc on bascule d'un univers à l'autre, on se promène, on tricote à travers toutes sortes de choses qui nous ont inspirés plus jeunes, et puis on s'amuse avec cette série-là. Et j'imagine pour un dessinateur, Jacques Lamontagne, quand tu te promènes justement comme ça, scénaristiquement, d'un univers, d'une ambiance à l'autre, d'un univers de mémoire à un autre, faut adapter les couleurs, faut adapter le rythme. On traitera pas l'ambiance d'autopsie de la même manière qu'on va traiter celle d'une poursuite automobile. Absolument. Ben, justement, la séquence de l'autopsie, bon, on est beaucoup plus dans des couleurs terreuses, glauques, les éclairages appropriés. Tandis que lorsqu'on a les balades en automobile, bon, là, c'est des couleurs éclatantes, tout ça. Bon, je m'amuse avec ça à justement servir du mieux que je peux grâce aux couleurs, puis grâce aux éclairages, la scène. Et à l'intérieur de ça, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de recherche qui est faite, parce qu'on est quand même dans le 19e siècle, donc d'avoir une certaine historicité sans nécessairement non plus chercher la véracité historique? Oui, ben en fait, il faut toujours s'appuyer sur une solide documentation. Moi, avant d'aborder Speak, je me suis procuré tout plein de bouquins, des références visuelles. Entre autres, Eugène Atget. C'est des gens qui, lors des travaux d'Haussmann à Paris, quand il y a eu le grand chamboulement, bon, il y a eu les travaux construction du métro. J'ai un blanc de mémoire, là, mais il y a un autre photographe également qui ont fait le tour du pays et qui ont pris des clichés, des centaines de clichés. Donc pour moi, ben, ça m'a permis de m'appuyer sur quelque chose de solide, mais on a tout de même créé un Paris à notre façon, un Paris un petit peu bizarre parfois, des ruelles qui n'ont pas vraiment existé, mais qui auraient pu exister également. Là. Oui, puis en même temps, c'est intéressant parce que ce type d'ambiance-là, déjà au 19e siècle, donc là, on est un peu surnaturel, fantastique, était déjà exploré. Bon, vous faites des clins d'œil, bon, tu mentionnais Dupin tout à l'heure, on peut penser à plein d'autres livres, bon, que ce soit Frankenstein, que ce soit H.G. Wells et le reste. Il y a un univers aussi un peu science-fiction du 19e siècle qui est très riche déjà dans l'imaginaire littéraire, dans l'imaginaire visuel aussi. Oui, et je me rappelle qu'à la base, lorsque Thierry m'en avait parlé, ce qu'il avait le goût de faire, lui, c'est justement de glisser des références littéraires populaires de l'époque. Et puis, en fait, si le lecteur n'a pas déjà lu ça, c'est pas plus grave. Bon, la lecture se fait quand même très facilement, mais c'est juste des petits clins d'œil comme ça que le lecteur peut relever à travers sa lecture. Et j'imagine que pour toi, comme pour lui, mais ça permet aussi de s'amuser à justement insérer ces clins d'œil-là, à voir si on va avoir la rétroaction autour de ça aussi par après. Ben oui, absolument. C'est toujours le fun lorsqu'il y a un lecteur qui revient, qui dit « Ah ben tiens, j'ai cru reconnaître tel personnage, tel roman » ou même, des fois, on fait des emprunts à des choses qui sont plus contemporaines et puis pour notre plus grand plaisir, mais des trucs qui nous ont marqués et puis on s'amuse avec ça. Et j'imagine pour toi aussi, je mentionnais tout à l'heure la série Les Druides, on est dans quelque chose de plus sérieux, de plus historique à un certain degré aussi, donc de pouvoir aller chercher quelque chose d'un peu plus léger avec Aspic, ça doit permettre une pause entre différents albums justement de la série. C'était pour moi une nécessité. En fait, quand j'ai commencé Les Druides en 2004, je pensais pas que j'allais me lancer dans une aventure qui allait s'étaler sur plusieurs années comme ça. Et pour moi, c'était nécessaire parce que je me suis fait proposer par la suite d'autres projets, des séries qui étaient du type historique et je voulais pas être catalogué comme quelqu'un qui ne faisait que du heroic fantasy ou du de la BD historique pure. Alors, d'arriver avec un trait qui était plus humoristique, on peut dire qu'Aspic est plus humoristique que les druides, sans basculer dans les bonhommes agronés, comme on pourrait dire, là. Mais il y a tout de même un trait qui est plus relâché, il y a des couleurs que, bon, justement, on aborde ça d'une autre façon. C'est essentiel pour moi parce que ça me permet de marquer une pause lorsque j'alterne entre chacun des deux projets. Oui, puis en fait, à la limite, j'aurais envie de dire, sans nécessairement dire que c'est complètement opposé les deux univers, mais on a quelque chose de peut-être un peu plus classique de facture aussi dans même l'organisation des cases, des pages, versus les druides où on est dans le plus grand déploiement au niveau paysage, notamment. Oui, mais on est dans un cadre type gaufrier, presque, avec Aspic. Il n'y a pas de débordement, on est très sage, on est beaucoup plus franco-belge, et puis tandis que avec les druides, bon, on fait. Quoique j'ai jamais été une personne, je sais qu'il y a des dessinateurs qui, eux, se permettent des choses quand même assez extraordinaires. Je suis quand même assez sage, mais c'est sûr qu'avec les druides, là, il y a un éclatement qui se fait. Là, on éclate les cases, là. Et quand on bâtit aussi une série comme Aspic, par exemple, au niveau des personnages, bon, évidemment, on le mentionnait au départ, donc c'est quand même aussi, bon, les antagonismes entre les différents personnages principaux qui servent en partie de moteur à certains éléments du récit. Ces personnages-là, faut qu'ils soient bien « castés », entre guillemets. Est-ce que tu vas chercher des sources extérieures? Est-ce que tu t'inspires de comédiens, de gens que tu connais pour essayer de bâtir un peu la mécanique initiale de ces personnages-là? Oui, mais il y a toujours une discussion qui s'établit entre le scénariste et le dessinateur. Il peut me donner des pistes, des trucs comme ça. Entre autres, pour Dupin, c'était une espèce de mélange de Philippe Noiret, un peu de mon père. Puis je me rappelle plus du nom du troisième acteur, là, mais qui est un acteur français également. Donc, on a construit le personnage autour de ça, mais par la suite, ben, le personnage prend sa propre vie, je dirais, se transforme un peu. Le personnage, au bout d'un album, se transforme toujours légèrement, faut pas qu'il soit complètement différent, mais graphiquement, on s'approprie du personnage, de son caractère, tout ça. Mais c'est certain que c'est toujours intéressant d'avoir une discussion à la base entre le dessinateur et le scénariste, afin d'avoir un peu la même idée, une image du personnage. Oui, effectivement, pour pas que tu partes en dessin avec quelque chose que tu imaginais, mais qui ne correspond pas à la vision que lui avait au scénario. Puis, enfin, en même temps, ça devient la clé aussi pour l'esprit un peu du caractère de ces gens-là, de comment tu vas réussir à bien les mettre en scène pour respecter la proposition qui avait été faite au niveau scénaristique. Absolument, absolument. Parce que, ouais. Dans le fond, dans le duo, c'est un peu toi qui tiens la caméra. Oui. Ben, en fait, c'est ça, quand on est dessinateur, on a une multitâche, c'est-à-dire qu'on a toujours des suggestions de la part du scénariste, mais bon, on s'occupe de l'éclairage, on s'occupe de placer la caméra, on s'occupe du jeu des acteurs, c'est un dérivé du cinéma, d'une certaine manière. Hein. Parce que souvent, moi, je vais parler beaucoup langage cinématographique à travers la bande dessinée. Je pense qu'il y a une influence. Le cinéma a très certainement influencé la bande dessinée. Puis par la suite, je pense que la bande dessinée a d'une certaine façon influencé le cinéma aussi pour certains films. Là, donc. Et parallèlement au niveau de travail avec justement le scénario et le scénariste, donc travail en duo, j'imagine qu'avec chaque dessinateur vient aussi son approche et que la manière que tu abordes le travail sur les druides ne sera pas la même chose que la manière dont tu abordes le travail avec Thierry Gloris sur Aspic, par exemple. Ouais, chaque scénariste a son propre caractère. Avec Jean-Luc Istin, Jean-Luc est peut-être un peu plus... je ne vais pas dire dirigiste, mais en fait, il va déjà avoir une idée très, très précise des plans qu'il désire. Thierry va me laisser un peu plus de latitude de ce côté. On le voit avec des propositions, on se relance, il y a des échanges d'idées afin de mener la scène du mieux qu'on peut et puis que les plans servent justement la scène au maximum, là. Et tout à l'heure, on parlait d'ambiance, d'esprit. Bon, pour situer un peu le troisième tome, on est toujours en France, mais on est cette fois-ci dans l'univers un peu des fêtes foraines, dans l'univers du cirque, oui. Dans l'univers des freak shows aussi autour de oui. Ça. Et si je faisais, parce qu'on parlait de cinéma, j'avais presque envie de faire un parallèle en lisant l'album avec le Freaks de Todd Browning, sorti au début du 20e siècle. Oui, et tu te trompes pas. En fait, quand Thierry m'a envoyé les premières pages du scénario du tome 3, lui avait pas cette idée-là en tête, mais moi, immédiatement, avec la lecture, ça m'est venu, puis j'ai fait des encore une fois, de petits clins d'œil au film de Browning pour me faire plaisir, là, puis je trouvais ça rigolo, là. Il faut dire qu'un contexte comme ça aussi appelle à des personnages, j'ai l'impression, haut en couleur, plus grand que nature par moment aussi, des archétypes qu'on peut bonifier, qu'on peut détourner, etc. Oui, il y avait deux trucs en fait qui m'étaient venus en tête, c'était Freaks et puis, comment ça s'appelle déjà, cette série américaine... Carnival? Exactement, Carnival, là, qui se déroule dans une foire itinérante, là. Et puis bon, je dirais que ça a été mes deux principales sources d'inspiration et d'une certaine façon de référence, mais c'est sûr, encore une fois, qu'il a fallu faire un travail de documentation pour voir un peu comment ça se déroulait, bon, trouver des espèces de grandes bannières qui étaient peintes là, pour décrire puis annoncer les freaks justement qu'on y présentait. Et donc tout ça on le retrouve dans le tome 3, donc je le rappelle, la série Aspic, ça s'appelle Deux Ch'tis Indiens. On n'en dit pas trop parce que justement on veut en laisser le maximum au lecteur. C'est une série qui se bâtit sur quand même le suspense et les dévoilements. Ouais. Et Jacques Lamontagne, est-ce qu'on est déjà en route vers un quatrième tome? En fait, là je suis à travailler au tome 8 des Druides. Et dès que ce sera terminé, soit autour de juin, je vais reprendre la série Aspic pour compléter ce quatrième tome qui va conclure le second diptyque de la série. Ah ben voilà. Jacques Lamontagne, on se dit à la prochaine, évidemment. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Au revoir. Alors voilà, Jacques Lamontagne, je le rappelle, dessinateur de la série Aspic. Alors c'est chez Cadran, donc Soleil, tome 3 qui s'appelle Deux Ch'tis Indiens, qui est sorti il y a quelques temps. C'est scénarisé par Thierry Gloris. On repart avec un dernier extrait musical, toujours ici à La Vie en BD. Dernière ligne droite de cette édition de La Vie en BD, en route vers la semaine prochaine, où on aura l'occasion d'ailleurs de parler avec Jean-Marc Pacelli de La Vie ado, avec Sviane également, de ce Bessière des fruits, donc deux albums sortis récentes et Rattrapage également. Alors, je voulais vous parler de quelques titres, évidemment, prendre le temps de faire quelques commentaires de mon cru, et notamment un album qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle « Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre », qui donc, lui, reprisait ses chaussettes. Alors, histoire autour d'un handicap, celui de Michel, donc qui a eu un accident de la route qui l'a laissé dans un état, je dirais, qui fixe peut-être retour vers une certaine enfance, vers certaines insécurités, donc un handicap quand même assez lourd qui l'empêche évidemment de progresser, qui l'empêche de subvenir entièrement à ses besoins, qui l'amène à mettre l'emphase sur certains types de loisirs, certaines séries télé, certains d'éléments vestimentaires, et qui l'amène également à rester chez sa mère qui a désormais 72 ans et qui commence à peut-être trouver ça un peu plus lourd justement de s'occuper de ce fils dont elle aurait voulu le meilleur, qu'elle aime beaucoup, mais à un moment donné c'est les capacités physiques et morales qui peuvent en venir à flancher. Et donc ce qu'on croise, c'est une série d'anecdotes, une série de moments au fil d'un temps relativement restreint autour justement de la vie de ces deux personnages-là, bien loin, comme le souligne le titre d'ailleurs de la BD, bien loin de la grande histoire, celle avec un H majuscule, donc ces gens qui, loin de la grande guerre, loin des grands conflits, se battent aussi, mais se battent à leur petite échelle contre les difficultés de l'existence. Alors c'est scénarisé par Zidrou, c'est dessiné par Roger, une narration graphique qui doit être forte, donc qui est quand même assez typée dans le style des personnages. On n'est pas dans quelque chose qui est évoquant, on est quelque chose qui est expressif. Et c'est justement nécessairement, pour que ce récit fonctionne, il faut que ça passe par un côté très expressif, par une expressivité très assumée. Ça fonctionne de ce côté-là, un scénario aussi qui roule fort bien, dans la mesure où on comprend un peu rapidement la nature de la relation, où on comprend comment la routine, parce que au bout du compte c'est cette routine qu'on présente au fil des planches, et bien comment cette routine en vient à s'exprimer, en vient à se bâtir, et qu'est-ce qui risque à terme aussi de lui mettre fin, à travers justement aussi les défis et les combats quotidiens associés au maintien de cette routine-là. Donc ça donne un portrait qui est fort intéressant. Je dirais pas que c'est une BD incontournable qu'il faut lire absolument, mais par contre, en termes de narration, en termes de structure, c'est très réussi. C'est quelque chose que je vous recommande, là, tout de même, là, si vous avez l'occasion de la feuilleter. C'est chez Dargo. Donc, bon scénario, dessin efficace, ça fonctionne bien. Ça s'appelle « Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre ». Qui donc lui reprisait ses chaussettes? Et très, très rapide clin d'œil, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, « La quête des Whelan ». Eh bien, c'est porté en BD. Premier volume qui s'appelle « D'un monde à l'autre ». Et ben justement, donc un univers qui traverse tranquillement vers la BD, qui traverse avec plus ou moins d'efficacité. Donc on se retrouve dans l'histoire d'une jeune fille qui, donc ayant ramassé un artefact précieux, se met à basculer d'un monde à l'autre, de notre réalité à une autre réalité dans laquelle elle est un personnage clé. Donc un peu archétypal évidemment comme récit. Et donc c'est une héroïne parmi d'autres qui découvre donc ce destin succès. Est-ce qu'on est dans un récit à recette ou non? Bon, des fois on se pose un peu une question, donc évidemment c'est clairement pour ados. Donc c'est adapté de la série écrite par Pierre Bottero, c'est scénarisé par Liliane et c'est dessiné par Laurence Baldetti. Donc c'est adéquat, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce genre-là, peut-être qu'on va y trouver profit. Pour les autres, vous allez avoir l'impression qu'on leur a dit pas nécessairement mieux non plus que dans les autres. Alors vraiment, simplement un petit clin d'œil que je voulais mentionner au passage. Alors voilà pour cet élément. Et nous, là-dessus, on se dirige vers donc la conclusion de cette émission. C'est un plaisir d'être avec vous cette semaine et on se revoit évidemment la semaine prochaine. Et d'ici là, ben c'est le soul qui vous mènera au fil du début de ce week-end. Alors, au plaisir.